Dans l'émission « Les experts », David Christoffel reçoit Cécile Kubik autour de sa thèse « Penser l'interprétation des sonates françaises pour piano et violon au XIXe siècle » sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Quand on parle des sonates pour violon et piano, on peut penser aux sonates de César Franck ou Camille Saint-Saëns. Plus anciennes, on peut penser aux Viennois Mozart et Beethoven, mais entre les deux, le répertoire de sonates pour piano et violon français connaît une sorte de creux, un vide de connaissances qu'a voulu combler Cécile Kubik dans le cadre d'un doctorat de musique, recherche et pratique au Conservatoire de Paris et à la Sorbonne. Alors pour souhaiter la bienvenue à Cécile Kubik sur la Radio Parfaite, voici quand même une page de César Franck, le final de la sonate en la majeure avec Jean-Jacques Kantoroff au violon et Jacques Rouvier au piano. Thank you. Le final de la sonate en la majeure de César Franck avec Jacques Rouvier au piano et au violon Jean-Jacques Kantorov qui a été l'un de vos professeurs ici cubiques. Oui, absolument. Bonjour, bienvenue sur la Radio Parfaite. Alors, on va évoquer votre thèse que je présentais à l'instant avec ce travail donc sur la sonate pour piano et violon où vous expliquez qu'il y a une espèce de trou dans le répertoire, du moins dans le répertoire que l'on connaît, en gros, dans la période qui précède ce que l'on vient d'entendre, qui précède César Franck. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes attaché spécifiquement à ce genre qu'est la sonate ? Bonjour David, pour commencer. Alors effectivement, je me suis attachée à ce genre en particulier puisque j'ai toujours été en violoniste frappé qu'on joue sans cesse ces chefs-d'œuvre de Franck, de Saint-Saëns, de Fauré, sans se poser la question du répertoire qui précède ces œuvres-là, ces chefs-d'œuvre. On a plusieurs décennies, entre 1800 et 1870, pendant lesquelles on connaît extrêmement peu de répertoire. Et c'est ça qui m'a questionnée en tant qu'interprète. Ça a été le premier ressort de ma recherche. Alors qu'il existe ? Il existe, absolument. Et alors, c'est en fait un vide qui est, on peut dire, presque plus musicologique que musical. C'est-à-dire qu'on a peu informé ou documenté. Oui, bah, les deux parties sont certainement à mettre en cause. Les musicologues n'ont pas cherché ce répertoire et les musiciens n'ont pas cherché à le jouer. Voilà, exactement. Et alors pourquoi 1870 ? Parce que c'est une date peut-être plus politique que musicale ? Il y a bien sûr la politique, il y a d'autres raisons qui sont d'abord qu'une thèse a été produite sur ce répertoire à partir de 1870 par Stéphanie Morali, et ensuite qu'on a ce chiffre 1870 comme un marqueur, puisque la Société nationale de musique est créée cette année-là en France, et elle permet d'avoir pour les compositeurs un moyen de faire donner leurs œuvres et de faire jouer leurs œuvres tout simplement. Alors, comme toute thésarde, quand vous vous attachez à votre objet, vous voyez à quel point il est exclu par tous les autres. Si bien vous faites presque une espèce de parano en reprenant le dictionnaire de musique, en disant, regardez, ils n'en parlent pas. Mais c'est vrai, en fait, ça m'a beaucoup frappé au cours de mes recherches, puisque effectivement, même des ouvrages scientifiques poussés et même récents nient complètement ce répertoire. Et c'est quelque chose qui se retrouve après, effectivement, dans toutes les histoires de la musique. On a vraiment un prétendu désert musical sur ce répertoire qui est absolument faux et qui est entretenu depuis des décennies, vraiment. Parce que justement, à l'échelle du genre sonate, on pourrait avoir l'impression, si on jouait le jeu de cette méconnaissance, que Franck opère un revival d'un genre qui, en fait, était complètement pratiqué. C'est ça. Il y a eu tout à fait des précurseurs. On arrive bien sûr à partir de la Troisième République dans une sorte d'âge d'or de la sonate, mais on a des très belles œuvres qui sont produites déjà bien avant, surtout à partir des années 1840. Et voilà, ces chefs-d'œuvre arrivent comme une sorte de logique, enfin dans une logique à la suite des œuvres des décennies précédentes. Alors on va découvrir ce répertoire, mais avant peut-être préciser ce qu'on entend véritablement par sonate, et peut-être préciser en même temps la différence entre une sonate pour piano et violon et une sonate pour violon et piano. Oui, c'est une bonne question. Alors, entre 1800 et 1870, sur l'objet de ma recherche, on a uniquement des sonates pour piano et violon. Il y a souvent un petit malentendu qui se fait sur cette dénomination. On a d'ailleurs des sonates plus tardives qui s'appellent toujours pour piano et violon. Et cette dénomination est vraiment due au fait que cette sonate pour piano et violon est issue de la sonate pour clavier avec accompagnement de violon du début du siècle. Et c'est cette forme de sonate qui va se développer plus tard dans le siècle. Donc il s'agit bien de sonates pour piano et violon. Le violon, au départ, au début du siècle, accompagne le piano, puis va prendre un rôle de plus en plus important au cours des décennies. Il y a un moment de bascule, il y a un moment où la sonate pour piano et violon devient sonate pour violon et oui, piano. Oui, il y a très clairement un moment déjà où la sonate pour clavier, pour piano forte avec accompagnement de violon s'éteint, c'est aux alentours de 1825. Après ça, on a une période un peu floue, les années 1830, la fin de la décennie 1820 et la décennie 1830, où on a des œuvres qui ne s'appellent plus sonate, les compositeurs se cherchent, on a le mot accompagnement qui disparaît. Et à partir des années 1840, là, on se retrouve de nouveau dans, enfin, pas de nouveau, mais dans des sonates qui s'appellent sonates pour piano et violon, sans le mot accompagnement. Voilà. Et quelle est la différence entre une sonate et un duo ? Ah, ça, c'est aussi une vaste question. Alors, on peut ne pas avoir de différence, c'est-à-dire il y a des duos qui sont tout à fait apparentés à la sonate en termes de forme. On a par exemple des formes en plusieurs mouvements, comme une sonate. On a vraiment un objet très proche de l'objet sonate, avec un discours mélodique égalitaire entre les deux instruments. Mais on a aussi, sous ce terme duo, et la chose n'est pas toujours visible dans le titre, c'est une difficulté, pour l'appréhension de ce corpus, certains duos sont des paraphrases des opéras en vogue à cette époque. Ça implique que ce sont des œuvres de virtuosité où les interprètes font briller leurs compétences instrumentales au travers de ces œuvres. Donc on est dans une virtuosité un petit peu gratuite, enfin qui est là pour épater la galerie, si j'ose dire, alors que dans la sonate, on peut avoir une virtuosité qui se développe au long du siècle, mais qui sera toujours au service du discours musical. Vous avez apporté un duo de Franz Liszt qui date de 1835. Alors, il n'y a pas de titre sur le manuscrit, mais on peut trouver plusieurs occurrences. Parfois, on l'appelle sonate, ce duo. Oui, tout à fait. En général, sur les pochettes de CD, ça s'appelle duo ou sonate. Les éditeurs n'ont pas forcément fait un choix, donc ils ont donné les deux noms. Puisqu'effectivement, 1835, c'est une époque à laquelle on a énormément de duos de type paraphrase d'opéra. Et avec cette œuvre de Liszt, on est d'ailleurs un petit peu en marge. C'est difficile à classer. La différence entre sonate et duo est pas toujours facile à faire. Dans cette œuvre de Liszt, on a de la virtuosité, on a aussi des thèmes, puisque certains éditeurs ont estimé que ce duo était construit sur des thèmes de Chopin. Liszt, sur son manuscrit, a écrit seulement duo, sans plus de précision, et effectivement, on est un petit peu à la marge, mais j'ai tout de même fait entrer Liszt dans le corpus des œuvres que j'ai étudiées, puisqu'on a, dans cette décennie 1830, très peu d'œuvres. On a les œuvres de Liszt et les œuvres de Spohr, donc deux compositeurs d'origine étrangère, et c'est à peu près tout ce qui se passe dans cette décennie. Mais qui dois-je annoncer en premier, alors, le violoniste ou le pianiste? Ah, grande question. Grande question. Bon, non, on va mettre le violoniste en premier, c'est une émission sur le violon. D'accord, donc c'est Thomas Albertus Imberger et au piano, je ne sais pas si c'est tout à fait un accompagnateur, mais c'est Eduardo Torbianelli. Thank you. avec Eduardo Torbianelli au pianoforte, c'était Thomas Alberto Simberger au violon dans ce thème et variation, deuxième mouvement du duo de Franz Liszt. Cécile Kubik, on évoque votre thèse sur le répertoire pour piano et violon, le répertoire de sonates en France de 1800 à 1870. Ce que l'on vient d'entendre, c'est exactement au milieu en termes de période. C'est une période suffisamment large pour que ça évolue beaucoup, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors là, on parlait d'une œuvre de 1835. À cette époque, on est vraiment dans une période de transition. On a avant ça, vraiment, on peut définir une sorte de période qui s'étend de 1800 à 1825, qui là, est la première période de ce 19e siècle, du point de vue de la sonate piano-violon. Jusqu'à 1825, on a encore deux sortes de sonates qui se côtoient. On a d'abord la sonate pour violon et basse, qui est vraiment issue du siècle précédent, du 18e siècle, où là, le violon est soliste, et on a juste un accompagnement de basse qui vient ponctuer la virtuosité du violoniste. Et puis, parallèlement, on a une nouvelle sonate qui se développe avec l'essor du clavecin, puis du pianoforte, qui apparaît à la fin du 18e siècle. Et cette nouvelle sonate, ce sera une sonate pour clavier, pour pianoforte, à partir de 1800, avec accompagnement de violon. Et cette sonate, elle va perdurer, comme la sonate pour violon et basse d'ailleurs, jusqu'à 1825, où les deux vont s'éteindre. Et dans cette sonate, le rôle est inversé, évidemment, puisque le violon passe du statut de soliste au statut d'accompagnateur. Néanmoins, dans cette sonate pour clavier avec accompagnement de violon, on a vraiment des nuances importantes. On a un accompagnement qui peut être caractérisé, il peut être noté ad libitum ou il peut être noté obligé sur la partition. Et on a aussi beaucoup d'autres recueils qui ne mentionnent pas le caractère, la nature de cet accompagnement. Et on se rend compte qu'on ne peut pas s'arrêter au titre pour aller voir, enfin pour définir si ces partitions sont intéressantes ou non du point de vue de la partie de violon. Il faut vraiment ouvrir chaque partition pour se rendre compte qu'effectivement, on a des partitions déjà très intéressantes, dès la première décennie d'ailleurs du 19e siècle. On a beaucoup de compositeurs étrangers qui publient à Paris, qui sont installés à Paris, par exemple comme Doucet, Kalkbrenner, Pixis, qui publient beaucoup d'œuvres de ce genre, où la partie de violon est déjà extrêmement développée. Et on arrive aussi dans la deuxième décennie, là on est en 1811, avec des œuvres de Hérold, par exemple, où on a déjà une complémentarité très intéressante entre les deux instruments. Et à cette époque, les figures qui sont des sortes de topiques, si je peux dire, de cette sonate pour pianoforte avec accompagnement de violon, ces topiques, on va les retrouver tout au long du 19e siècle, en tout cas jusqu'à la fin de la période que j'ai examinée en 1870, avec bien sûr beaucoup de choses qui ont énormément évolué dans toute cette période, mais on va les retrouver encore à la fin du corpus, ça c'est une chose vraiment très intéressante. Est-ce que l'instrument violon progresse en tant qu'instrument dans cette période ? Oui, alors le violon connaît une petite révolution à cette époque, c'est-à-dire, enfin, d'ailleurs la période à laquelle ça se produit est difficile à définir, les violons sont modifiés, alors ça se passe entre la fin du 18e siècle et la première partie du 19e siècle, on modifie le violon, on change la table d'harmonie, on la renforce pour qu'elle puisse supporter un diapason plus élevé, le diapason monte, on rallonge la touche pour pouvoir monter plus dans l'aigu, on fait des petites modifications sur l'instrument qui visent à augmenter sa sonorité, à pouvoir supporter la montée du diapason, voilà, aussi face à des salles de concert qui sont plus importantes au fil du siècle. Voilà. Donc on fait un instrument plus sonore. C'est ça, exactement. Comme pour le piano, finalement. Comme pour le piano, ça va aussi de pair, et puis il y aura aussi des questions d'interprétation qui vont se mêler à cette évolution de l'instrument. Alors ces questions d'interprétation, elles sont largement documentées. Vous avez fouillé beaucoup de méthodes de violon de cette période, de toute la grande première moitié du 19e siècle. Oui, absolument. Alors j'ai même réalisé l'inventaire d'une cote à la Bibliothèque nationale de France qui est consacrée, qui regroupe une majorité de ces recueils pédagogiques et des traités de violon parus en France au XIXe siècle jusqu'à 1908. Donc j'ai étudié près de 300 méthodes et effectivement le but était de trouver dans ces méthodes des indications sur la manière dont les violonistes de cette époque jouaient, puisque effectivement on connaissait pas le répertoire de cette période, 1800-1870, a fortiori, on connaissait encore moins la manière dont les violonistes de cette époque jouaient. Et alors parmi les grands pédagogues du violon à avoir écrit sur la question, il y a quelqu'un sur qui vous attardez beaucoup, qui pour le coup n'est vraiment pas très connu, qui s'appelle Pierre Baillot. Oui, absolument. Alors Pierre Baillot est une immense figure violonistique du XIXe siècle à plusieurs égards. Il a été d'abord un pionnier de la musique de chambre. Il a été le premier, avec son quatuor et dans d'autres formations, à donner notamment des séances de musique de chambre à Paris, par exemple les œuvres de Beethoven, les quatuors de Beethoven. Il a aussi été un immense pédagogue. Il a enseigné pendant 42 ans, je crois, au Conservatoire de Paris. il a eu vraiment une influence absolument énorme sur ses contemporains. Il a rédigé deux méthodes de violon, la première avec ses collègues Rode et Kreutzer en 1803, à l'ouverture du conservatoire, et une seconde en 1834, l'art du violon, qui nous livre énormément d'informations sur le jeu du violon. Baillot a laissé énormément d'écrits, on a cette méthode, on a d'autres documents. Il a conservé ses papiers avec beaucoup de soin et ses descendants l'ont fait également. Donc on a une source d'information extrêmement importante grâce à Pierre Baillot. Alors on va l'écouter dans une sonate pour violon et piano, opus 32, qui date de 1820. Oui, tout à fait. Alors cette sonate est une exception absolue puisqu'elle s'appelle bien pour violon et piano, non pas pour piano et violon. C'est la seule de tout le répertoire que j'ai étudié. C'est une exception puisqu'effectivement elle met le violon en avant, l'instrument de Pierre Baillot. Le rôle du piano est plutôt réduit à un accompagnement. Mais en tout cas, on a une sonate 1820 pour violon et piano, la seule qui, avant des décennies, et ça c'est déjà en soi un grand intérêt historique. Et dans l'enregistrement que vous avez réalisé en 2012, vous avez pu proposer à Yoko Kaneko de jouer sur un piano forte, qui est un fac-similé de Christopher Clark, d'un Graf 1826. Oui, absolument. C'est vrai que la question des instruments est toujours très importante quand on joue, puisque si on parle vraiment d'interprétation, on ne peut pas mettre de côté complètement cette question des instruments. On peut aussi, bien sûr, jouer les œuvres de manière moderne avec les instruments d'aujourd'hui, mais quand on questionne historiquement ces questions, c'est une chose importante, bien sûr. Et le violon que vous jouez est aussi d'époque ? Mon violon date de 1700, absolument. Donc tel que les violonistes de l'époque pouvaient jouer. En jouer. Voilà. Donc voici le premier mouvement andante de cette sonate de Pierre Baillot. Sur la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, Cécile Kubik est l'invitée de David Christoffel pour l'émission Les Experts. Thank you. Avec Yoko Kaneko au piano forte, c'était la violoniste Cécile Kubik, à la fois violoniste et chercheuse. Cécile Kubik, vous avez fait cette thèse sur le répertoire français pour piano et violon de 1800 à 1870. Quand je dis violoniste et chercheuse, effectivement, le fait de fouiller un répertoire, de le documenter, c'est quelque chose qui va modifier votre rapport au jeu complètement ? Bien sûr, d'ailleurs c'est le but que cette recherche nourrisse en quelque sorte l'interprétation, et vienne enrichir nos connaissances d'aujourd'hui, bien sûr, c'est une chose très complémentaire. Être interprète et chercheur au Conservatoire de Paris, c'est quelque chose d'assez nouveau. Oui, absolument, c'est important de le souligner. En tout cas, c'est nouveau que ce soit institué. Exactement, ouais. C'est ça. On a un doctorat de musicologie dans lequel on peut avoir des gens qui pratiquent un instrument, mais d'avoir ce doctorat qui permet vraiment à des interprètes de haut niveau de mener une recherche scientifique, ça c'est une chose vraiment nouvelle. Pierre Bayot, vous avez des traces aussi bien musicales que pédagogiques, des partitions annotées où on a le violoniste qui en même temps complète le travail du compositeur. C'est ça exactement, j'ai parlé des séances de musique de chambre que Bayot donnait avec quelques-uns de ses collègues qu'il a donné entre 1814 et 1842. Ces séances de musique de chambre, on a la grande chance de posséder les partitions qui ont servi à ces exécutions, qui sont conservées par la Bibliothèque nationale de France. Et le trésor de ces partitions, si je peux dire, c'est qu'elles sont annotées par Bayot pour l'exécution en concert. Donc là, on n'est plus dans la théorie des méthodes, même si les méthodes nous apprennent énormément de choses. On est vraiment dans le jeu en direct. Alors bien sûr, tout n'est pas noté sur une partition, mais on a beaucoup d'éléments qui figurent grâce à ces annotations de Bayot sur ces partitions. C'est vraiment une mine d'informations. Au contraire, il y a certains compositeurs qui laissent pas d'informations et pour lesquels il est plus difficile de trouver le style. Oui, absolument. Alors là, on pourrait tout à fait évoquer Charles-Valentin Alcan, qui a écrit une œuvre pour piano et violon en 1840. L'œuvre est parue en 1841. Son œuvre est une sorte d'ovni en son temps, parce qu'elle elle fait intervenir les instruments dans une grande virtuosité. Alors, on a beaucoup parlé de la virtuosité de l'œuvre d'Alcan pour le piano. C'est certainement l'œuvre la plus connue du corpus, une des rares œuvres un peu plus connues. Mais on a oublié de dire que l'œuvre est aussi extrêmement virtuose. Pour le violon est amené dans des ressorts qu'il n'a jamais explorés auparavant. On monte dans le suraigu, on enchaîne des séquences d'accords à trois sons, à quatre sons. On est dans une grande virtuosité. Mais effectivement, avec Alcan, on se retrouve dans une situation un petit peu délicate puisqu'on n'a pas d'indication sur l'interprétation. Alcan n'a pas laissé d'écrit, Alcan n'a pas écrit de méthode. Donc voilà, il faut chercher ailleurs des informations pour essayer de rendre justice à sa musique en la jouant d'une manière adaptée. Dans votre thèse, vous avez tout un chapitre sur le goût qui est une espèce de référent pédagogique en termes de style pour dire comment il faut bien jouer. Sauf que quand les pédagogues essayent de préciser ce que c'est, ils donnent des définitions très précises pour dire que c'est quelque chose comme un certain je ne sais quoi. C'est ça, exactement. Ah, ce fameux goût. C'est ce que dit Eugène Borel en 1934. Exactement. Alors ce fameux goût nous donne beaucoup de fil à retordre parce qu'effectivement, c'est lui qui régit le moindre détail de l'interprétation. Ça concerne les coups d'archer, le chant, les démanchés, enfin c'est toutes les facettes de l'interprétation sont régies par ce fameux bon goût. Mais effectivement, les compositeurs qui essayent, ou les auteurs de traités qui essayent de le définir, souvent ne nous aident pas beaucoup, puisque ce goût est par essence fluctuant, et il se heurte aussi, il faut le dire, au canon de notre bon goût actuel, qui est toujours présent, peut-être moins sous cette dénomination, mais qui existe toujours, bien sûr. Et qui est sûrement pas le même. Et qui n'est sûrement pas le même, c'est certain. Ce qui est drôle, c'est que pour le coup, Eugène Borel, en 1934, quand il dit un certain je ne sais quoi, il cite la Cassagne qui a écrit ça en 1766, comme si c'était un je ne sais quoi qui pourrait se transmettre de génération en génération. Exactement. Et on a quand même des pistes qui nous sont données par les auteurs de méthodes de violon. Et on a notamment des auteurs qui nous font état du mauvais goût. Donc ça témoigne d'abord d'une pratique. Si ces pratiques sont condamnées, pour autant, elles existent tout de même. Et puis, des fois, ça nous donne un critère pour essayer de cerner au mieux ce bon goût quand on nous donne un exemple de mauvais goût, qui d'ailleurs peut nous sembler étrange aujourd'hui, et en regard un exemple de bon goût qui là aussi peut nous sembler totalement de mauvais goût selon nos critères actuels. On va écouter le final du duo pour piano et violon opus 20 de Alcan. Alors comment vous l'avez abordé, justement parce qu'il n'y avait pas tant d'informations techniques que ça de la part du compositeur sur sa partition? Alors l'œuvre d'Alcan est, je l'ai dit, une exception à plusieurs égards, parce que cette virtuosité remplit véritablement la partition. On n'a pas, comme chez d'autres compositeurs, vraiment de questionnement sur, par exemple, quels ornements ajouter, quels agréments sont nécessaires à la partition, puisque la partition est déjà extrêmement bien remplie. Et Alcan a été extrêmement méticuleux dans son écriture, notamment pour ce qui concerne les nuances. Voilà, sans qu'on ait besoin de trop en rajouter. Néanmoins, il a fallu mener cette recherche générale sur l'interprétation pour établir des constantes dans l'interprétation de cette époque, notamment pour ce qui concerne la manière de démancher, par exemple avec des ports de voix, ou le peu d'usage du vibrato qui est vraiment absolument de rigueur à cette époque. Et cette fois, Yoko Kaneko joue sur un pianoforte Erard 1890. Thank you. C'était le final du duo pour piano et violon, opus 21 de Charles Valentin, Alcan par Yoko Kaneko au pianoforte et Cécile Kubik au violon, qui est notre invitée pour parler de la thèse que Cécile Kubik vous avez soutenue au Conservatoire de Paris et à la Sorbonne sur le répertoire pour violon et piano, ou piano et violon français entre 1800 et 1870. Ce désert que vous avez constaté, ce désert à la fois d'interprétation et d'études sur cette période du répertoire pour piano et violon, on l'a pas en Allemagne ? Non, pas du tout. Et c'est vrai aussi qu'on n'hésite pas, du côté germanique, à jouer les œuvres, notamment, bien sûr, au début du siècle, on a les œuvres de Beethoven, qui sont, à part la 9e sonate, qui sont toutes des sonates pour clavier avec accompagnement de violon. Et si cet intitulé semble avoir rebuté les violonistes de jouer le répertoire français qui s'intitule de la même manière, parce que le violon est considéré alors comme subalterne, eh bien ça n'a pas du tout gêné les mêmes instrumentistes pour jouer le répertoire germanique équivalent. Mais est-ce que c'est pas aussi par effet de concurrence entre les genres ? C'est-à-dire qu'il n'y aurait peut-être pas tant de trous en termes de production d'opéra, en termes de production de symphonie dans le répertoire français à cette époque. Bah évidemment qu'à cette époque, on a une énorme production d'opéra. Le 19e siècle français est lyrique par essence, mais le 19e siècle français est aussi symphonique. On a la thèse de Muriel Boulan qui a fait une grande étude sur la même période que la mienne pour ce qui concerne la symphonie. Et on s'est rendu compte que là aussi, là où on croyait à un désert symphonique, eh bien, énormément d'œuvres étaient composées, créées et jouées à cette époque. Tandis qu'en Allemagne, c'est donc une foisonnance dans tous les genres. En tout cas, dans le genre de la sonate pour piano et violon, effectivement, on n'a pas de trou. Et au milieu du siècle, on a par exemple des compositeurs comme Schumann qui tiennent vraiment le haut du pavé. Et qu'on continue à jouer sans discontinuer depuis la mort de Schumann jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, contrairement aux œuvres françaises. De la même époque. De la même époque. C'est-à-dire les années 1850, en fait. C'est ça. Et on a beaucoup d'œuvres en France qui tournent autour de ces années, de différents compositeurs. Voilà. Donc, contrairement à ce qu'on croit, c'est foisonnant en Allemagne, mais c'est aussi foisonnant en France. Alors voici Gordan Nikolić au violon avec Eric Lesage au piano dans le deuxième mouvement de l'opus 105 de Robert Schumann, une sonate pour piano et violon. Thank you. Bohdan Nikolić au violon et Éric Lesage au piano dans ce deuxième mouvement de la sonate pour piano et violon opus 105 de Robert Schumann. Cécile Kubik, quand on fait une enquête aussi minutieuse sur le répertoire historique de cette période-là, du répertoire donc pour piano et violon, est-ce qu'on n'est pas tenté en tant qu'interprète d'essayer d'épouser le jeu qui devait être le leur à cette époque-là ? Comment on négocie, alors, en tout cas, d'être violoniste ? Il y a une part de ça. Alors, le but, c'est absolument pas, effectivement, de tenter une reconstitution du jeu tel qu'il était à l'époque. C'est Et pourquoi ? De toute façon, bien chimérique, parce qu'on a beaucoup de critères qui sont plus ceux de l'époque, à commencer par la taille des salles de concert, les instruments, et beaucoup d'autres critères, le fameux goût aussi. Mais en revanche, le but est d'essayer de cerner au plus près quels sont les éléments forts de l'interprétation de cette époque. Qu'est-ce qui diffère ? Qu'est-ce qui est dans le consensus avec aujourd'hui, pour essayer de respecter ces œuvres telles qu'elles ont été créées, en tout cas. Donc ça veut dire concrètement, par exemple, pour ces œuvres, on a des grandes lignes qui se détachent, notamment dans la tenue, dans la posture du violoniste. Les violonistes jouent tous, et jusqu'au début du XXe siècle, avec un coude très bas, le coude droit très bas, celui qui tient l'archet. Et ça a une influence certaine sur les coups d'archet, la manière d'articuler, de faire plus ou moins de notes dans un même coup d'archet. Voilà. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question, quand on joue Beethoven, quand on joue Schumann, et quand on joue aussi le répertoire français plus tardif, Fauré, Franck, Saint-Saëns, on coupe par exemple toutes ces liaisons pour avoir plus de brio, plus de volume sonore, alors qu'à l'époque, probablement, et d'après aussi les partitions de Bayeux qui sont annotées de sa main, on coupe beaucoup moins les liaisons, parce qu'on a des salles de concert qui sont plus petites, on a des archets qui sont différents, et on se préoccupe moins du volume sonore. Voilà, probablement plus en mettant en valeur l'articulation au détriment du volume. Vous parlez beaucoup dans votre thèse d'ornementation. On faisait vraiment pas les ornementations de la même façon qu'aujourd'hui ? Ah non, alors on a une pléiade vraiment beaucoup plus variée d'ornements. Alors les ornements s'entendent de différentes manières. Le vibrato est encore considéré comme un ornement, alors qu'aujourd'hui il est... C'est la normale, voilà, on le met partout, sur toutes les notes, sans se poser de questions, mais à l'époque, il sert vraiment à orner des notes choisies. On a aussi tout ce qui concerne le tri, on a mille façons de réaliser un tri, de le terminer, de le faire, de le commencer, voilà. On a aussi tout ce qui concerne le porte-voix, donc ces petits glissando entre les notes qui sont induites par les démanchés, qui sont extrêmement en vogue à cette époque, en tout cas beaucoup plus qu'elles ne sont aujourd'hui, où c'est le plus souvent condamné par notre bon goût actuel. Voilà, les ornements sont extrêmement présents et c'est aussi quelque chose qui est en lien avec le modèle vocal qui prévaut au XIXe siècle. Le violon est la voix du chant, donc il faut retrouver ce modèle vocal dans le jeu du violon. Et est-ce qu'il y a des époques où le vibrato est un peu plus condamné qu'à d'autres ? Alors tout au long de la période que j'ai étudiée, jusqu'en 1870, le vibrato est nettement condamné pour ses abus. Il faut l'utiliser avec une grande modération, avec goût, bien sûr. Et même à la fin du siècle, je pense en particulier à la méthode de Berriot, condamne vraiment les excès vibrato. Il donne d'ailleurs des exemples très précis des endroits où il faut vibrer sur des exemples musicaux, en donnant un signe pour le vibrato avec son intensité. Et on est vraiment frappé sur ces exemples de voir que des valeurs longues ou des morceaux entiers, plusieurs lignes de musique, sont jouées absolument sans vibrato. Des notes longues sans vibrato, blanches, on pourrait dire, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et à quoi on reconnaît un vibrato de mauvais goût ? Ah, mais parce qu'il est trop présent, parce qu'il est là de manière systématique, c'est surtout ça. D'accord. C'est surtout ça. C'est le vibrato cabotin, en fait. Le vibrato d'aujourd'hui est très mauvais goût, aux yeux du 19e siècle. D'accord, donc vous vous aventureriez pas devant une salle de 1840. C'est ça, mieux vaut ne pas essayer. Même pour jouer du halard, par voilà. exemple. Alors, alors, est-ce qu'il y a des compositeurs que vous avez aimés parce que vous les découvriez, ou avec peut-être l'idée que vous n'auriez pas aimé plus spontanément? Que ça J'apprends quand même à découvrir toutes ces œuvres. Non, on a de très belles œuvres tout au long du siècle. C'est vrai que Delphin Allard, qui était un grand interprète de son époque, violoniste, qui s'est produit à mille reprises, notamment en musique de chambre, a aussi été un compositeur. Il a aussi enseigné au Conservatoire de Paris pendant des décennies. Il a été un professeur très influent. Et Delphin Allard a écrit aussi beaucoup de musique, notamment un grand duo concertant pour piano et violon. Il a écrit d'autres œuvres qui sont vraiment des œuvres de virtuosité du type paraphrase d'opéra. Mais avec cette œuvre, on est vraiment dans une œuvre qui s'apparente à la sonate. C'était une des plus belles découvertes, certainement, de ce répertoire. Et donc, on va l'écouter dans votre interprétation, toujours avec Yoko Kaneko au pianoforte, dans le scherzo suivi de l'Allegretto Grazioso. le scherzo et à l'instant l'allegretto grazioso du grand duo concertant pour piano et violon opus 25 de Delphin Allard par Yoko Kaneko au pianoforte et vous, Cécile Kubik, au violon. C'est un disque que vous avez enregistré dans le cadre de la préparation de votre thèse sur ce répertoire français de 1800 à 1870 pour piano et violon. Répertoire qui était mixte en fait, parce que jusque-là nous n'avons écouté que des hommes. Oui, alors on a quelques femmes, pas beaucoup en fait, parmi les compositrices. On a Clémence de Grandval et on a Louise Farin qui sont les deux femmes représentées dans ce corpus. C'est lié à quoi ? Parce que précisément, les enseignants du Conservatoire de Paris à l'époque étaient très minoritairement féminins ou Alors les enseignants en composition, je ne sais pas, en tout cas pour ce qui concerne le violon, les femmes ont été particulièrement absentes dans le corps professoral jusqu'au XXe siècle pour avoir une femme de violon professeur au Conservatoire de Paris. Mais dans les élèves quand même pas. Dans les élèves quand même pas, on a quelques exemples. On a une femme qui remporte un premier prix dès 1799, Félicité Lebrun, c'est une exception puisque les femmes ne sont pas admises dans les classes de violon à cette époque, donc Félicité Lebrun est l'élève de Pierre Bayot, elle est aussi d'origine aristocratique, donc on peut penser que ça a aidé pour la faire intégrer cette classe contre le règlement. Et après ça, on a une autre élève qui passe dans les classes sans être récompensée, et il faut attendre la deuxième partie du 19e siècle pour rencontrer à nouveau des femmes élèves dans les classes de violon au conservatoire. Alors c'est la question classique quand on aborde ces questions-là, à savoir est-ce qu'il y a un jeu féminin du violon ? C'est une grande question et c'est une question qui n'a pas du tout été étudiée encore. Alors moi je me suis appliquée pour le coup dans ma thèse déjà à établir quelles sont ces femmes puisque rien n'a été fait encore sur le sujet. Quelles sont-elles précisément, quelles récompenses obtiennent-elles, et de savoir si effectivement elles continuent à jouer après leur passage au conservatoire, puisque très souvent, les femmes au XIXe siècle, contrairement au XVIIIe siècle, une fois qu'elles sont mariées, leur carrière de violoniste est largement compromise. La question du répertoire est très difficile à cerner, puisque les critiques de presse de l'époque font plutôt état de l'apparence de ces femmes, de leur beauté, de leur charme, plus que du répertoire qu'elles jouent. Donc c'est une question qui reste encore à creuser. Et la question du répertoire m'a intéressée, bien sûr, pour savoir si les femmes jouaient ces œuvres que j'ai étudiées, mais elle pose aussi la question de savoir, effectivement, si un jeu violonistique est spécifique à la gente féminine. Et alors ? Alors les critiques de presse trouvent évidemment que les femmes manquent de force, que l'instrument n'est pas fait pour le sexe faible, etc., etc. Ce qui laisse penser que le jeu est peut-être plus délicat ou différent. En tout cas, c'est une question qu'il faut encore approfondir. Vous parlez aussi d'un certain Arthur Pougin. Oui, alors Arthur Pougin était un musicologue respecté en son temps, qui a été le premier à faire une étude sur les femmes violonistes. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, alors il a réuni un premier état. Alors son étude paraît en 1924 au sein d'un ouvrage et effectivement Pougin s'applique à faire cet état des lieux sur les femmes au XVIIIe siècle et en partie au XIXe siècle. Alors on a quand même des compositrices qui écrivent pour le violon dans cette période. Vous êtes venu avec un enregistrement de Louise Farinck. Oui. Donc Louise Farin, qui est l'une des deux compositrices de ce corpus, ce qui est intéressant avec elle, c'est que Louise Farin se produit en musique de chambre, essentiellement chez elle, dans des salons, et on a la trace, et il y a assez peu de traces d'exécution de toutes ces sonates, d'ailleurs c'est un point qui pose question, on a la trace d'exécution, de différentes exécutions des sonates pour piano et violon de Louise Farin, soit par elle-même, soit par d'autres interprètes chez elle, au XIXe siècle, et ça c'est intéressant. D'ailleurs, toutes ces exécutions dont j'ai trouvé trace ont lieu avant la parution des sonates, avant leur édition, donc elles ont lieu en 1851, si ma mémoire est bonne, alors que la parution intervient en 1855. Cécile Kubik est l'invitée de David Christoffel pour l'émission « Les experts ». Avec Laurent Cabasso au piano, c'était Gaëtan Prouvo au violon dans le premier mouvement de la première sonate opus 37 de Louise Farinck. On évoque avec vous, Cécile Kubik, votre travail de thèse au Conservatoire de Paris et à la Sorbonne sur le répertoire français pour piano et violon de 1800 à 1870. On a un peu traversé toute la période en partant de Pierre Bayot au début du 19e siècle, en arrivant là à une partition des années 1850. Qu'est-ce qui se passe dans les années 50-60 du 19e siècle dans ce répertoire? Alors on a vraiment un grand essor à partir des années même 1840 qui va vraiment mener jusqu'à la Troisième République. Donc de plus en plus d'œuvres et des œuvres de plus en plus développées. Ah oui, il y a une foisonnance particulière quand même plus on approche oui, tout à fait. Les années 70. Tout ouais. à fait, oui. On a dit qu'on avait commencé le siècle avec Pierre Bayot, c'est pas tout à fait juste puisqu'on a éclipsé les 20 premières années du 19e siècle. Mais dans lesquelles il y a une production. Il y a une production, mais simplement elle n'est pas du tout enregistrée, donc j'ai pas pu fournir de preuves sonores, si j'ose dire, de ces œuvres-là, mais elles existent bien sûr. J'en Comment s'appellent les compositeurs? J'en ai parlé tout à l'heure, ça peut être Kalkbrenner, Steibel, Pixis, Reicha, Herold. Voilà. Les mêmes qui font des variations Diabelli. Oui, c'est ça. D'accord. Et puis, à la fin de votre période, dans les années 50-60, on a des compositeurs relativement connus, comme Édouard Lalot. Oui, en fait, Lalot est un compositeur intéressant de ce point de vue, puisque dans ce répertoire, on a finalement des compositeurs de différents bords. On a à la fois des gens qui sont très connus de leur époque, qui peuvent être admirés par Berlioz ou d'autres grands compositeurs de l'époque, et qui sont aujourd'hui inconnus. Et des gens qui sont restés, des compositeurs très connus à nos oreilles, comme Édouard Lalot, mais dont on ne connaît pas, ou très peu, cette œuvre en particulier, ce grand duo pour piano et violon. Voici Édouard Lalot, interprété par Nikita Borisoglebski au violon et Jean-Philippe Collard au piano. Thank you. Nikita Borisoglebski au violon avec Jean-Philippe Collard au piano dans le rondo du grand duo concertant pour piano et violon d'Edouard Lalo. Cécile Kubik, dans votre enquête sur ce répertoire, il y a la question de ce que l'on doit jouer, de ce que l'on voit sur la partition qui apparaît. Est-ce que les compositeurs sont tous aussi généreux d'indications ou est-ce que leur langage écrit est à égalité de transparence ? Alors la question du texte est une question très importante, c'est en fait une double problématique. On a d'une part la question vraiment du texte, de la partition, et là on a vraiment un écueil qui est celui de dire « je respecte le texte ». C'est souvent la sentence, si on peut dire, qui est prônée aujourd'hui pour l'interprétation de la musique ancienne, il faut respecter le texte, et ça peut être un véritable contresens pour cette musique, puisque le respect du texte, le rapport au texte est entièrement différent. Dans les partitions de Pierre Bayou, par exemple, qui sont annotées de sa main, on a des modifications totales de texte, on peut avoir des petites collettes qui modifient carrément le texte à un endroit. Des collettes, c'est quoi ? Des collettes, ce sont des petits morceaux de papier qu'on ajoute sur la partition pour modifier le texte, qui sont ou bien collés totalement, ou bien qui peuvent se soulever pour qu'on puisse conserver le texte original en dessous. On a des petites choses qui sont écrites dans la marge qui modifient le texte. Par exemple, Pierre Bayou a créé à Paris le concerto de Beethoven en 1828. Et on a cette partition de Pierre Bayou annotée de sa main, celle qui a servi à cette création parisienne. Et Bayou modifie par endroits le texte de Beethoven pour ornementer un petit peu, pour changer un petit peu le texte de Beethoven. Donc le rapport au texte est complètement différent de celui d'aujourd'hui. Le deuxième point, ce qui concerne le texte, c'est vraiment les signes qui servent à indiquer des points d'interprétation auxquels on attribue trop vite aujourd'hui une signification universelle qui n'existe pas encore à cette époque. Donc on a tendance à voir tel signe et on lui attribue cette signification, alors qu'elle peut avoir une palette de signification à l'époque. Oui, parce qu'on est habitué à ce type de problème avec les partitions baroques, mais en fait on les a encore aussi avec les partitions du 19e siècle. Pire encore, parce que sur les partitions baroques, on a quand même des dissimilitudes par rapport aux partitions d'aujourd'hui, alors que les partitions du 19e siècle sont conformes à celles qu'on connaît aujourd'hui, à l'exception pour la musique contemporaine, traditionnelle en tout cas, on a vraiment des partitions conformes ou aux partitions du XXe siècle. Quel type de signe musical ne veut plus dire la même chose alors qu'on continue de le pratiquer ? Par exemple, un simple point. On a des auteurs de méthode qui utilisent le point pour lier des notes, donc absolument l'inverse de ce qu'on fait alors aujourd'hui. C'est aujourd'hui pour le staccato. Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ça peut être c'est un exemple un peu extrême, mais ça peut être des choses comme ça, ou des choses qui peuvent vraiment avoir différentes significations, alors qu'aujourd'hui, on leur attribue un seul. Je pense au signe de Gruppetto, ce petit ornement qui tourne autour d'une note. Aujourd'hui, on le fera d'une manière, en commençant par la note du dessus, ou éventuellement en commençant par la note du dessous, c'est tout. Alors qu'à cette époque, au XIXe siècle, on peut le faire de 100 manières différentes, qui sont vraiment très éloignées de juste celles auxquelles on penserait aujourd'hui. On a aussi la question du point d'orgue. Le point d'orgue peut être ou un point de repos, comme on l'entend aujourd'hui, mais il peut être aussi l'occasion de faire une petite cadence. Pierre Bayou et d'autres auteurs nous donnent des dizaines d'exemples de cadences dans tous les tons qui sont bonnes à être jouées dans sur ces petits points d'orgue. On a aussi l'usage du prélude, par exemple. Ça questionne tout ce qui n'est pas noté sur la partition. On a parlé des signes et de leur interprétation. Il y a aussi tout ce qui n'est pas noté sur une partition et qui relève de tradition orale, de pratiques de tradition orale qui sont à prendre en compte, mais qui ne figurent d'aucune manière sur la partition. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que plus une partition est virtuose, plus le compositeur laisserait supposer que l'interprète fait vraiment ce qu'il veut ? Non, pas vraiment. Et on ne peut pas dire vraiment qu'au long du siècle, les choses deviennent plus précises. Les compositeurs ont par exemple tendance quand même à noter les petites cadences qui ne sont pas notées en début de siècle, quand on avance plus avant au XIXe siècle. Mais globalement, on continue d'avoir des signes qui continuent de signifier des choses assez différentes jusqu'en 1870. Vous nous avez apporté la version Isaïe de l'Ave Maria de Schubert, justement par rapport à la conversation qu'on avait tout à l'heure sur le vibrato. Oui, tout à fait. J'ai trouvé ce clin d'œil amusant, puisqu'effectivement c'est un petit parallèle avec la méthode de Charles de Berlioz qui donne cet exemple à propos du vibrato. Et donc il indique que dans les exemples qu'il donne, il précise là où il faut vibrer. Dans cette Ave Maria de Schubert, il n'y a pas une seule indication de vibrato. Ça, c'est une chose intéressante. Et dans cet extrait d'Isaïe, alors qui est très ancien, du début du XXe siècle, on entend un vibrato qui est très différent de celui qu'on pratique aujourd'hui. Alors l'enregistrement, bien sûr, est mauvais, mais c'est une chose intéressante. Isaïe a étudié avec Vieuxtemps et avec Massard, qui a été aussi professeur de Sarrasate, d'autres élèves. on voit qu'on est déjà dans une phase différente de celle de la période que j'ai étudiée. Isaïe, jouant l'Ave Maria de Schubert, Cécile Kubik, est-ce que ça veut dire que le bon goût d'hier est forcément du mauvais goût aujourd'hui ? Pas forcément. On a des critères qui sont de toute façon extrêmement différents entre cette époque et la nôtre. C'est ça qui est riche dans cette recherche, bien sûr. Qu'est-ce que ça a fait de faire des recherches historiques au sein du Conservatoire de Paris, où j'imagine vous évoluez davantage au milieu d'interprètes qui se soucient beaucoup moins d'histoire de la pédagogie et d'histoire du répertoire ? C'est pas si simple. Être l'historienne de service dans la classe de violon du conservatoire. C'est ça, c'est pas toujours une démarche qui est bien vue, parce que si on est un bon interprète, pourquoi faire de la recherche ? Il y a quand même toujours cette litanie qui reste. Et puis c'est aussi, quelque part, c'est un répertoire que personne ne connaît, c'est se poser des questions sur l'interprétation en dehors des traditions qui persistent sur les périodes, sur les œuvres ultérieures, donc ça remet pas mal de questions en cause, oui. Et alors, à travers le temps, est-ce qu'on peut rester un grand violoniste, puisqu'on vient d'écouter Isaïe qui laisse penser que le jeu rentrant en communion avec le style et le bon goût d'une époque ne peut que se ringardiser avec le temps ou... Ça, c'est un point intéressant aussi, parce qu'on a des témoignages au début du XXe siècle, des témoignages écrits qui font état des vieux maîtres, Bayeux, etc., qui sont complètement passés de mode et qui font des ornements qu'on ne pourrait plus faire à cette époque. Donc il y a toujours effectivement ce regard d'une génération suivante sur la génération précédente. Mais néanmoins, quelqu'un comme Bayeux, quelqu'un comme Allard, ce sont des gens qui ont eu vraiment une influence importante sur leurs contemporains et aussi sur leurs successeurs. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, pour écouter, pour finir la sonate de Saint-Saëns, vous choisiriez entre toutes la version d'Yascha Heifetz ? Ah, alors moi je ne suis pas toujours une grande fan de Heifetz, même si c'est un immense violoniste, bien sûr, mais cette sonate est magnifique sous ses doigts, il y met un brio extraordinaire, et c'est aussi le moyen de se rendre compte d'une vraie césure. On est vraiment là dans un autre monde, dans un autre répertoire. Alors, c'est toujours de la sonate pour piano et violon, bien sûr, mais on est déjà dans quelque chose qui va vraiment vers un développement de l'instrument sans précédent. Et qu'est-ce qu'il y aurait de daté dans son jeu ? Qu'est-ce qu'on ne peut plus faire maintenant comme il le faisait ? C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt qu'est-ce qu'il fait qu'on n'aurait pas fait au 19e siècle? Et notamment cette question du vibrato, qui est extrêmement présente. Ça n'empêche pas que la version soit magnifique. Et moi, je ne suis pas complètement dogmatique non plus. Je ne dis pas qu'on ne peut pas jouer aujourd'hui ces sonates sur instruments modernes, en vibrant. Ce n'est pas du tout ma question. Mais c'est la sensibilité d'une époque, retrouver des pratiques oubliées, voir ce qui s'est poursuivi ou pas. C'est pas toujours une position facile en tant qu'interprète parce que le public est celui d'aujourd'hui et si on arrive qu'on fait des coups d'archer d'époque, des doigtés d'époque, sans prévenir le public, sans justifier sa démarche, on risque d'être mal perçu, d'avoir un critique qui vient et qui dit oulala, mais cette violoniste n'a pas de son, ou voilà, il faut vraiment avoir une démarche aussi pédagogique à côté de ça. Eh bien, merci beaucoup, Cécile Kubik, d'être venue à la Radio Parfaite. Et on va se quitter en écoutant l'intégralité de la première sonate de Saint-Saëns par Yasha Eifet. Merci, David. Vous écoutez la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, la Radio Parfaite. Thank you.

Thank you.